Voyage au Brésil par François-Auguste Billard. Chapitre 1er. Mon cher ami, dites-moi donc, je vous prie, d'où vous vient cette idée d'aller au Brésil? C'est un pays très malsain. La fièvre jaune y est en permanence, et on assure qu'il y a là des serpents très venimeux qui font mourir les gens en quelques minutes. N'allez pas au Brésil, me disait un autre. Qui va au Brésil? On ne va pas au Brésil à moins d'être nommé empereur du Brésil. Êtes-vous nommé empereur du Brésil? Comme ça se trouve bien, s'écria un jour mon bottier. Quel bonheur que vous alliez au Brésil! Vous pouvez me rendre un service. Figurez-vous qu'un monsieur qui se disait marquis est venu me faire une commande, et lorsque quelques jours après je lui ai envoyé sa note, il était parti pour son pays, dans un endroit qu'on appelle Bourbon. Je promis à mon bottier de faire tous mes efforts pour obtenir de son marquis, mon futur voisin de quelques mille lieues, la somme qui lui était due, ou tout au moins un fort acompte. Par reconnaissance, mon homme me servit encore plus mal que d'habitude. Je n'en finirais pas, si je voulais chercher dans mes souvenirs toutes les questions, toutes les demandes de service qui me pleuvaient de toutes parts, et aussi tous les conseils que l'on me donnait pour me mettre en garde contre mille et mille accidents dont je serais inévitablement la victime si je ne faisais à la lettre ce qu'on me prescrivait. D'abord, je devais mettre toujours de la flanelle et porter sans cesse des habits blancs à cause du soleil. Il fallait me défendre comme d'un ennemi mortel de la toile, fût-ce de la batiste, mais en revanche, il m'était permis d'user tout à mon aise de chemises de coton et de bas de coton. Il est probable qu'on me conseilla aussi le bonnet de la même étoffe, mais je ne l'affirmerai pas. Je ne devais pas oublier d'emporter une cargaison de poudre contre les punaises, parce qu'à bord, il y en a toujours. J'ai suivi cet avis amical, mais je n'ai jamais vu sur le navire une seule de ces vilaines petites bêtes. On me recommanda encore de me procurer, s'il était possible, une cabine à bâbord, parce qu'en allant en Amérique, je pourrais ouvrir ma petite fenêtre pour profiter de la fraîcheur des vents alizés. Or, j'ai fait des bassesses pour jouir de cet inappréciable avantage, mais le vent a toujours été si fort qu'on n'a pu ouvrir en route que les fenêtres opposées, et j'ai tout fait dans ma cabine. J'avais mis tout le magasin de la belle jardinière à contribution. Ce qu'il y avait de plus sombre dans les nuances fut repoussé impitoyablement par la personne qui m'accompagnait. Elle ne voulut choisir pour moi que les nuances les plus tendres, bien à propos, car au Brésil, tout le monde s'habille en noir, non seulement pour aller en soirée, mais au milieu même de la journée quand le soleil tombe à plomb sur les têtes. Voici quelques-uns des agréments du départ. Depuis que je suis de retour, c'est autre chose. Vous avez dû avoir bien chaud. Ah, comme vous avez dû souffrir de la chaleur. On dit que vous avez vécu avec les sauvages. Sont-ils méchants? Vous devez avoir apporté de bien jolies choses. Est-il vrai que vous ayez été aussi dans l'Amérique du Nord, au Canada, à Niagara? Alors, vous avez vu Blondin, hein? Existe-t-il réellement ou est-ce un canard? J'avais prévu que je serais assiégé de ces questions. Je n'avais pas oublié qu'au retour de mon voyage au pôle Nord, on m'avait demandé pendant plus de 2 ans et plus si j'avais eu bien froid. Par prudence, j'avais donc apporté de New York un verre stéréoscopique qui représente Blondin sur sa corde. Dès qu'on prononce le nom de cet homme, je tire aussitôt ce témoignage presque vivant d'une pose qu'il affectionne, et cela m'évite une explication. Hélas, pour l'article des sauvages, ce n'est pas aussi facile, et je ne puis emporter avec moi dans tout Paris les portraits de mes compagnons de la Forêt Vierge ou autre lieu que j'ai représenté avec la fidélité la plus scrupuleuse, mais non sans quelques difficultés, je l'avoue. Je m'aperçois du reste qu'après avoir parlé des questions qu'on m'avait faites avant mon voyage, je n'ai rien dit de mes réponses. Pour en finir à tout jamais même avec ceux qui ne m'ont pas interrogé du tout, je reviens un moment sur ce point, tout en déplorant la mauvaise habitude que j'ai de quitter souvent un sujet pour passer un autre sans nécessité apparente. Le lecteur devra s'y faire et me pardonner. Deux causes bien différentes m'avaient engagé à aller en Amérique. Depuis bien des années, j'habitais le numéro 8 de la place Vendôme. J'y jouissais d'un logement que je croyais ne devoir jamais quitter. Toute ma vie d'artiste s'était passée là. À chacun de mes voyages, des objets nouveaux étaient venus augmenter mon petit musée, et comme l'amour-propre se glisse partout, j'étais fier quand on disait que j'avais le plus bel atelier de Paris, ou tout au moins le plus curieux. Comment aurais-je pu prévoir qu'un jour viendrait où l'on détruirait d'une parole tout cet édifice construit avec tant de peine et de soin? Déménager, je ne connaissais pas cela. Je ne pouvais surmonter la tristesse qui me suivait partout depuis que j'étais menacé de ce désastre. Une autre cause qu'on pourra bien juger très futile me décida tout à coup à partir pour le Brésil en offrant à mon imagination le but précis que je n'avais pas encore trouvé. Je dînais un jour avec ma fille chez un de mes amis. Le hasard me plaça près d'un général belge qui habitait Bahia depuis quelques années. Nous causâmes des merveilles qu'on trouve à chaque pas dans ce pays de féerie. « Pourquoi ne viendriez-vous pas passer quelques mois au Brésil ?» me dit-il. « Cette excursion vous retremperait et vous ferait oublier vos ennuis. » L'insinuation me plut. Ce voyage convenait à mes goûts, je pris ma résolution sur le champ. En reconduisant ma fille à son pensionnat, je lui fis part de la conversation que je venais d'avoir avec le général et, souriant de mon mieux, je lui dis « Eh bien, si j'allais là-bas passer un mois ou deux, je reviendrai pour les vacances, ce serait comme si j'étais à la campagne, puisque je ne te vois pas souvent l'été. » Dès le lendemain, j'arrangeai nos petites affaires, et puisque je devais être forcé de quitter mon logement en 1859, il me parut très simple de m'en aller dès 1858. On parle souvent du courage qu'il faut pour entreprendre les voyages de long cours. On énumère les dangers, les privations de toutes sortes qu'on y rencontre à chaque pas. Oui, certes, il faut du courage, mais ce n'est pas celui que l'on suppose. L'instinct de la conservation donne la force nécessaire pour braver les périls. L'habitude émousse tout. On s'accoutume à vivre dans les lieux les plus sauvages et les plus malsains. On ne pense ni à la peste, ni à la fièvre jaune, ni aux lions, ni aux ours blancs quand on a passé quelques mois dans leur voisinage. C'est ce que j'ai pu constater depuis longtemps. Mais les angoisses du départ, voilà ce qu'il est le plus difficile de braver. Je me souviens de la journée passée avec ma fille, des contes dont je l'entretenais pour lui faire accepter l'idée de mon absence. Sur le point de la quitter, il fallait bien lui cacher ce que j'éprouvais. J'osais à peine la regarder. Je lui faisais sur l'Amérique du Sud un cours de géographie tout à fait fantaisiste. Je lui disais bien gaiement que d'abord il n'y avait pas plus de tigres ni de serpents au Brésil qu'au Jardin des Plantes. Et Dieu savait les merveilleuses choses que j'allais lui rapporter. Pour la rassurer et éloigner d'elle la tristesse, je plaisantais, je redevenais enfant. Mais quand je me retrouvais seul, bien seul au milieu de Paris, ce fut alors qu'il me fallut de l'héroïsme pour ne pas revenir sur mes pas. Le souvenir de cette journée où j'affectais la légèreté et l'insouciance, quand j'avais le cœur brisé, et de tous, on peut me croire, le plus amer. Quelques affaires m'appelaient à Londres. Je fis transporter mes bagages au Havre et de là à Southampton.